OK, là, on vous tease comme ça, pas d'allure avec un deuxième épisode en reprise avant de terminer la saison, mais on vous jure que cette fois-ci, c'est hors de notre contrôle. Vous l'aurez deviné, c'est la maudite COVID. Puis, on vous jure aussi qu'on n'a pas envoyé une vieille photo de test positif à Papa Pivot pour prendre du temps off. C'est vrai de vrai. Puis, on est à bout, mais hopefully, on retourne en studio bientôt. La bonne nouvelle, c'est qu'on vous représente un de nos épisodes préf, Hétéro l'école avec Gabrielle Richard, autrice du livre du même titre. On jase de comment les systèmes scolaires, exemplifiés par les systèmes français et québécois, conditionnent à l'hétérosexualité. Puis c'est pas tout, parce que Gabrielle Richard, qui vit à Paris, ville lumière et de l'amour, est en visite dans le Fred de Montréal pour présenter son plus récent livre, Faire famille autrement, sur la parentalité queer. Fait qu'on vous invite à venir assister au lancement du livre avec l'autrice à la librairie Le Guélion, iconique librairie qui aura bientôt une backroom lesbienne dans son cabanon, ce jeudi 24 novembre à 17h30. En attendant, revisitez ce petit bijou d'épisode avec Gabrielle en amuse-bouche et venez nous voir au lancement. Yay! Allô, allô, allô! Bonjour et bienvenue à Deux Fifs le matin, votre podcast coquin et votre seul et unique radio poubelle homosexuelle de gauche. Parlant de poubelle homosexuelle, je m'appelle Charlie Morin et je suis la première personne à l'origine de la joke. S'il n'y a pas de prix, c'est gratis quand ça scanne pas à caisse. Oh my God, I hate you. Moi, c'est Jess, toujours une ordure rose, toujours bipolaire, toujours sobre, toujours concierge, j'ai des choses qui ne changent pas. Et je suis spécialiste en éducation sexuelle cinématographique, autrement dit, je watch ben trop de porn. Et aujourd'hui, on n'est pas tout seul. Salut les gars. Hello, hello. Oh. Moi, c'est Gabrielle Richard, je suis chercheur en sociologie du genre. Je vais vous parler de mon dernier livre, Éducation à la sexualité. Et ce matin, j'étais dans la tour de Radio-Canada et là, je suis au sous-sol de l'UQAM, donc je fais tous les étages pour parler des sujets qui sont importants. Peux-tu croire être descendu aussi? Si bas. Je pensais pas, mais il y a une nouveauté dans tout. It's uphill from here. Alors, aujourd'hui, Charlie, de quoi parle-t-on? Aujourd'hui, on fait un saut dans le temps et on revient à notre tendre enfance et notre pas si tendre que ça, adolescence, pour parler de système scolaire, d'hétérosexualité et d'éducation sexuelle. Tout ça, bien sûr, en compagnie de Gabrielle, qui est autrice du livre qui vient de paraître « Hétéro, l'école? » Point d'interrogation. Alors, on va se demander si notre système scolaire n'est pas en fait un long camp de formation à l'hétérosexualité. Stay tuned, parce que tout n'est pas gris et triste. On va aussi vous parler de notre plan machiavélique pour répandre l'agenda gay dans nos écoles à grands coups d'éducation sexuelle anti-oppressive et inclusive. Mais là, je suis un peu inquiète, tout le monde va mal? Absolument. Ça va mal? À nous regarder à la face, c'est sûr, ça va mal dans ce studio aussi. Bon, merveilleux. Fait que nous, on s'en va distribuer des condoms dans le salon du personnel de la polyvalente d'à côté. On en profite pour leur voler 2-3 cafés filtres et on vous revient. Over caféiné. Fait qu'on a vidé leur cafetière puis on l'a rempli de digues dentaires. On est Paul de même. maintenant qu'on est de retour puis bien crinqué, on s'apprête à se lancer dans le gras du sujet. Fait que du haut de mes 27 ans, je me souviens quand j'étais au secondaire, il y avait déjà des campagnes de lutte contre l'homophobie. C'était de 2004 à 2009, là, c'était là pas si longtemps, mais quand même, si ça fait si longtemps... Ça me rajeunit pas. Mais, ça fait mal, hein? Ouais. Ça fait si longtemps que ça qu'on parle d'homophobie dans les écoles, comment ça se fait que c'est pas réglé? Pourquoi c'est pas... Je me rappelle de ces campagnes-là. Hein. Pour vrai, ça fait un bout, là, Fifi, c'est le nom d'un chien, des affaires de même. Fifi, c'est le nom d'un chien. Il y avait la tapette à mouche, ceci est une tapette. Bon, ouais. Des joueurs de hockey qui s'embrassent. Oui. Ah, ouais! Oui. Ouais, ouais, ouais. On a les vedettes dans le métro qui se donnent des becs, mais ça, c'est pas à l'école. C'est pas à l'école. Là, je digresse. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on parle que c'est toujours pas réglé, la question de l'homophobie dans les écoles, selon toi? Bien, le discours de la lutte contre l'homophobie, il est un peu paradoxal, hein, parce qu'il vient taper sur les élèves qui, par ailleurs, ne font que reproduire des comportements qu'on leur montre depuis qu'ils sont jeunes. Oui, oui. Hein? Donc, on leur dit, non, sois pas homophobe, non, dis pas, utilise pas le mot fif, etc., etc. Mais par ailleurs, ce qu'on leur dit, ce qu'on leur enseigne, surtout indirectement, hein, oui. moins formellement qu'autre chose dans les écoles au Québec, mais ce qu'on leur enseigne, c'est des normes, ce qu'on appelle des normes de genre qui sont sexistes. Ouais. Oui. Donc, ça veut dire qu'on leur rappelle, on leur dit quotidiennement à l'école de différentes façons, les filles, c'est comme ça, les gars, c'est comme ça, les filles, c'est moins bon que les gars. On leur dit pas directement, je non, le précise. Non, c'est pas des sous-entendus, mais c'est très clair en etc. même temps. Oui. Fait que dans la manière dont on s'adresse aux gars et aux filles différemment, dans la manière dont on va réconforter, on va féliciter un certain comportement chez une fille, chez un garçon, c'est pas le oui. même, etc. Donc, on encourage ces normes de genre-là qui sont différentes. Mm-hmm. Donc, on dit finalement aux élèves, dès qu'ils sont jeunes, les gars et les filles, c'est différent, puis être une fille, c'est ça, être un gars, c'est ça, puis c'est pas pareil. Ouais. Puis ce qui arrive, c'est qu'ils deviennent adolescents, puis on leur dit toujours, ben être un gars, c'est ça, puis c'est être hétéro. Puis être ouais. une fille, c'est ça, puis c'est être hétéro. On leur martèle ça dans la tête. Ouais. Ouais. Et puis c'est quoi ça finalement? C'est un discours qui est homophobe au final. C'est un discours qui construit l'hétérosexualité comme étant la norme. Donc, puis aussi à chaque fois, c'est-à-dire qu'il y a un truc où comme l'homosexualité n'est pas nécessairement tabou, c'est-à-dire que ça va être abordé, mais ça va toujours être une parenthèse, une note en bas de page, une exception. T'sais, il va toujours avoir le « ou ça, si c'est ça ». Mais tu sais, comme c'est jamais nécessairement souhaité. Même dans les manuels scolaires, tu le soulignes dans ton livre, quand il y a mention d'homosexualité, c'est souvent dans un encadré qui est à part. Donc même graphiquement... Non, mais quand même, c'est parlant, là. Oui, absolument. Même dans le livre, graphiquement, la notion de non-hétérosexualité, peu importe la notion qui est abordée, va toujours être mise comme dans un encadre, quelque part à côté, entre parenthèses. Puis il y a aussi un discours qui est très victimisant, hein, parce que ce que ça dit, le discours contre l'homophobie, ça dit « il y a des gays... faites attention, tu sais, ils font pitié dans le fond, faut en prendre soin, faut pas les frapper, etc. Ouais. Le discours, c'est un discours qui est victimisant, même dans les manuels scolaires. Oui. On en parle beaucoup dans un contexte de la discrimination, donc l'homophobie, donc ils font pitié encore une fois. On en parle dans un contexte d'Holocauste. Donc on dit, ils ont jadis été exterminés. Donc le discours qu'on véhicule constamment par l'école, c'est un discours qui est négatif, même si on veut bien faire, tu sais. Mais c'est fou quand même qu'ils hijack le discours sur l'homosexualité pour le diriger seulement envers les hétérosexuels pour leur dire de pas être violent avec les homosexuels, mais qui nous empower jamais, en fait. Oui, et puis Gabrielle vient de le mentionner, la mention de l'Holocauste. Gabrielle est sociologue, ce qui veut dire que c'est pas un essai qu'elle a écrit. Il y a des études, il y a des statistiques, il y a des références. Hein, c'est très, très, très, très, très complet. Et il y a eu un moment donné dans le livre où c'est comme quelque chose sur 11 200 pages de livres. 17 000 pages. 17 000 pages de livres. Il est à peu près pas fait mention de l'homosexualité. Et justement, la mention qui est faite, c'est pendant l'Holocauste, on va parler à ce moment-là que les homosexuels étaient dans les camps de concentration. Et on ne spécifie probablement pas que les homosexuels ont été laissés dans les camps de concentration à la fin de la guerre. Hey, party, la gang. Puis c'est par ailleurs un discours qui invisibilise aussi les femmes lesbiennes. Oui. On ne parle jamais des femmes lesbiennes. Même dans l'Holocauste, il y avait le triangle brun qui désignait les femmes qui étaient considérées comme asociales ou lesbiennes. Oh, hey. Mais par ailleurs, le triangle rose, c'est les hommes gays. Donc c'est un discours qui victimise puis qui invisibilise les lesbiennes. Et là, évidemment, on ne parle pas des personnes bi, des personnes trans, des personnes pan, etc. Non, puis aussi dans ce truc-là de comme lutte à l'homophobie, t'sais, j'ai l'impression que je me demande si les adultes dans le système scolaire en fait comprennent genre c'est quoi de l'homophobie outre genre des actes délibérés de violence contre des personnes homosexuelles pour leur homosexualité versus genre le truc qui est systémique qui se répète. Oui. Qui soutiennent, tu sais, comme puis je veux dire, je veux pas les blâmer non plus, c'est-à-dire qu'il y a personne non plus qui les a formés là-dessus, genre. À aucun moment. Non, effectivement. Mais effectivement, parce que l'intervention des profs, ce qu'on leur demande dans les écoles au Québec, c'est d'intervenir quand ils entendent le mot fif. Ouais, tu permets pas le mot fif, le mot tapette, etc. Tu interviens quand ces mots-là. Puis quand tu parles à des enseignants, ce que les enseignants vont te dire, c'est que, ben oui, mais ils utilisent ça, puis dans le fond, c'est banalisé, ça veut plus dire, c'est dénué de signification. Fait que j'interviens, mais dans le fond, j'interviens pour rien. Ouais. Donc, il y a une certaine incompréhension du pouvoir que ce mot peut revêtir, pas dans tous les contextes, puis il y a des nuances à apporter dans la communauté où on utilise certains de ces mots-là différemment. Donc, il y a une incompréhension d'à quel point ce mot-là peut avoir des impacts et véhiculer un discours qui est problématique. Mm-hmm. Oui, puis il est même fait mention dans Hétéro l'école que certains sociologues aussi participent à ce débat-là. Est-ce que c'est vraiment de l'homophobie ou c'est un mot qui est devenu dénué de son sens? Là, après ça, c'est sûr qu'il est fait mention pour ces gens-là que c'est pas un mot homophobe, c'est juste un mot qui est associé à faiblesse. Ah! Oui, moi j'aime ça, les gens qui essaient de t'en passer une petite vite, genre non, mais je dis fif, mais c'est juste dans le sens de comme c'est moins. C'est juste moins. Bon. C'est juste pour dénigrer la chose dont je parle, mais pas ton identité, c'est juste ce à quoi je réfère. T'es juste comme what? Oui, je dis fif, mais dans le fond, je voulais dire femme. OK, ben merci, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Parce que moi, je me rappelle à mon secondaire, c'était. J'en ai déjà parlé à l'émission, le monde criait juste gay! Out of the blue, comme ça. C'était quelque chose qu'on criait dans l'univers pour signifier sa frustration envers quelque chose, j'imagine, je sais pas trop. Hey. Ah oui, c'était... Hey, Mont-Laurier, hein? Non, Laval. Mont-Laurier. Ne confonds pas mes lieux de villégiature avec mes lieux d'éducation. Les deux sont aussi pires les uns que les autres, mais... oui, donc c'est ça. Donc effectivement, le mot fif à l'école, c'est il y avait une citation d'un professeur dans Hétéro l'école qui disait carrément « Pourquoi j'interviendrais? » C'est trop compliqué. Dans leur tête, c'est même pas homophobe. Oui. Puis je me rappelle aussi d'ailleurs qu'à l'école, les profs n'intervenaient absolument jamais pour condamner le bullying en général et encore bien moins l'homophobie. Au contraire, quand je répondais aux gens, me forçaient à écrire des lettres d'excuses. Oh my God! Ew! Ouais. Ew! Toujours dans ton livre, il y a un lien que j'ai trouvé super intéressant entre la popularité des élèves et la normalisation du genre ou l'intégration des normes de genre. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça? Oui, quand on s'intéresse au... disons, si on essaie de voir la culture adolescente en matière de hiérarchie, hein, ouais. C'est-à-dire si on essaie de voir qui est plus populaire, qui est moins populaire à l'école, puis sur quels paramètres ça se joue, on se rend rapidement compte que les comportements qui sont... ou les individus, disons, qui sont les plus populaires en milieu scolaire, c'est les individus, filles et garçons, qui se conforment le plus aux normes de genre. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire à l'adolescence? C'est que, un peu comme dans les meilleurs films américains, les gars les plus populaires, c'est un peu les jocks un peu bâtis là, qui vont passer un petit commentaire à la fille qui est dans le couloir. Le fameux quarterback de l'équipe de football dans le cinéma. Américain. Exactement, c'est caricatural, mais c'est vrai à certains niveaux. Puis les filles, c'est des filles qui vont se prêter au jeu de la séduction hétérosexuelle, mm-hmm. avec tous les pièges que ça comporte pour les filles. Hein. C'est-à-dire qu'on demande aux filles, ben, soit séduisante, attire le regard des garçons, mais si elle attire trop le regard des garçons ou si elle passe à l'acte d'une façon ou d'une autre, ben on dit salope, pute, etc. Oui, non. Soit intentionnellement séduisante malgré mais toi. Mais pas trop. Fait c'est pas exprès. Oui, ce qui est un équilibre absolument impossible à maintenir, surtout à l'adolescence. Cette fameuse idée que c'est la job des femmes de gérer la sexualité des gars en contexte hétérosexuel bientôt, bien sûr. Évidemment, bon, on y répond en parlant, mais quel rôle les institutions ont à jouer dans cette espèce de d'hétéronormativation, normalisation? D'hétéronormalisation ouais, des gens. Why not? And all that jazz. Écoute, le milieu scolaire joue un rôle paradoxal parce que c'est à la fois l'endroit, à mon sens, d'une émancipation potentielle de nos jeunes, tous nos jeunes, oui. incluant nos jeunes LGBT, LGBTI, etc. Mais c'est beaucoup, en ce moment, l'endroit qui reconduit ces normes-là de différentes façons. Mm-hmm. On a parlé des manuels scolaires tout à l'heure, on a parlé un petit peu, t'as parlé de comment les profs s'adressent ou s'adressent pas, interviennent ou interviennent pas, etc. Oui. Donc, de différentes manières dans le milieu scolaire, puis toujours de façon assez subtile, on reconduit certaines manières de concevoir le genre et la sexualité. Mm-hmm. Donc, nos institutions sont très, très présentes et ont un discours très fort sur le plan normatif qui, par ailleurs, ne dit pas son nom. C'est-à-dire ouais. l'école ne se dit pas « je véhicule les normes d'hétérosexualité ». Non. Puis le moment que tu veux dire ben, « on devrait parler d'homosexualité à l'école », tu te fais dire « oui, mais tu veux faire rentrer l'agenda gay à l'école ». Il y a comme un paradoxe là-dedans. Ouais, l'agenda clairement. Hétérosexuel est tellement présent qu'il est tellement collé au visage de tout le monde que personne ne le voit. Oui. Puis il y a aussi un truc qui se feed dans le, ben, comme ce qui établit la hiérarchie adolescente, c'est la performance de cette hétérosexualité super genrée-là. Oui. Mais il y a un truc de comme, bon, ben, ces trucs-là deviennent appropriés pour les adolescents parce que c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils aiment, c'est comme ça que ça marche. Puis t'es juste comme, OK, mais tu sais, on voudrait pas non plus, comme, présenter d'autres modèles, subvertir. Moi, ce que j'aime particulièrement des initiatives d'école secondaire que j'ai trouvé super hot quand j'étais coordinateur du projet Sens, qui est un projet d'éducation sexuelle dans un organisme communautaire de Notre-Dame-de-Grâce qui s'appelle Helen Hand. C'est vraiment cool, je vais en parler plus tard. On les salue. Mais ce que je trouvais vraiment cool, c'est qu'il y avait des écoles qui avaient des groupes LGBT à l'intérieur de l'école secondaire, souvent mm-hmm. qui avaient été partis par des étudiants, étudiantes eux-mêmes ou par des profs qui ont eu comme la patience de comme gather des gens puis de les faire sentir safe et tout. C'est pas simple, mais en même temps, ça donne une vraie légitimité aux jeunes queer dans l'institution parce que ben ils les laissent s'associer puis être un groupe, être une oui. force là-dedans, tu sais. Oui. Puis ils font souvent des trucs de LGBT et alliés, comme ça les gens se sentent pas trop outés, ouais, étiquetés. Ouais. Fait que ça prévient même les affaires puis ça fait aussi que tu sais ça arrête pas l'homophobie dans l'école, tu sais, c'est juste que c'est vrai qu'il y a un truc où genre bon ben l'institution les back, tu sais, c'est quand même cool. Oui, effectivement, peut-être très rapidement pourquoi en 2019, c'est encore aussi compliqué d'aborder des thèmes aussi, ben, selon moi, relativement simples comme l'homosexualité? Lorsque là, on n'est même pas encore embarqué dans intersexe, queer, oui. Les personnes trans, on est encore juste dans lesbienne gay. Pourquoi même ça, c'est encore si compliqué? Écoute, on peut se poser la question, puis quand on creuse un petit peu dans l'histoire de l'éducation à la sexualité au Québec, oui. puis les espèces de scandales que ça a soulevé à travers le temps, parce oui. que c'est pas nouveau là, qu'on s'entend pas sur ce qu'on doit enseigner par rapport à ça, mais on se rend compte que la question de l'homosexualité est encore vue comme étant très sexuelle. Donc, c'est la oui. dimension sexualité de la chose qui est seulement vue, qui aveugle les gens, puis on oui. dit, mon Dieu, on va parler de quoi? De sodomie à l'école? Oui, oui. Puis c'est comme nous autres qu'on fait, ça reste dans notre chambre à coucher, mais les hétérosexuels, eux autres, ils Exactement. Peuvent comme étaler leur vie au grand complet, puis leur hétérosexualité, en veux-tu, en v'là, genre. Exactement. Alors qu'évidemment, ben j'ai pas à vous dire que parler d'homosexualité, c'est pas juste parler de cul, tu sais. Non. Ça peut ne pas du tout être parler de cul aussi, tu sais. On peut parler d'homosexualité au primaire, même au préscolaire, puis parler des différents types de familles, puis des différentes manières de se sentir dans son corps, puis etc. Puis aussi, ça tout le monde. Des termes appropriés à l'âge, là, tu sais. Et puis aussi, tout le monde peut pratiquer la sodomie, tout le monde a un anus. Oui. Absolument. Il y a ça oui. aussi, tu sais. Oui, c'est ouvert à tous, là, oui. C'est ça, tu sais, quand les gens font le lien automatique, je suis juste comme, mais là, on en a tout un, gang, là, c'est donc sur ces paroles pleines de sagesse qu'on s'en va au 600 Folum, voir s'il n'y a pas une querelle qu'on peut utiliser quelque part au ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et on vous revient encore plus caféiné qu'avant. Fait qu'on a trouvé la querigue personnelle de notre ministre caquiste, Jean-François Roberge, puis une fois qu'on a vidé toutes ses morning blends, ben on l'a crissé par la fenêtre, maudit que ça a fait du bien. Ah. Parlant du gouvernement du Québec, ouais. Depuis la rentrée 2018, le gouvernement du Québec a implanté un cours d'éducation sexuelle dans nos écoles primaires et secondaires, qui avait été supprimé du curriculum régulier depuis 2005. Fait qu'on a eu un gros gap de 13 ans, puis là, it's back. Puis dans son fonctionnement, la responsabilité de donner l'éducation sexuelle en question est divisée entre tout le corps professoral, de trouver du temps passe par là, des 5, des 15 minutes dans des cours d'histoire, de maths, de français. Le fameux concept de compétences transversales. Ouais. Pour faire de l'éducation à la sexualité, à partir de grandes lignes qui sont fournies par le ministère de l'Éducation, fait que c'est qu'on en pense de cette réforme-là? Moi, j'ai quitté le secondaire en 2005. Je ne l'ai donc pas vécu. Je suis arrivé direct à la fin. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Ouais, secondaire 5 en 2005. Ouais, moi, j'ai peut-être secondaire 2, j'ai eu un petit cours d'éducation sexuelle, genre une heure bien concentrée, puis c'était tout. Dans nous autres, c'était formation personnelle et sociale. Formation personnelle et sociale. Qu'est-ce qu'on en pense? Ouais. Écoute, déjà, c'est pas une réforme, c'est certains contenus qui nous présentent comme étant obligatoires. Donc déjà, on n'est pas au niveau de la réforme qui nécessiterait beaucoup plus d'adaptation structurelle qu'on n'a pas du tout en ce moment. J'aime ça nous pitcher le mot réforme, mais finalement, quand on regarde ça, on est comme... Malheureusement, non. Fait que ce que le ministère a fait, c'est nous proposer une série de thèmes. Donc, une espèce de nouveau programme ou les nouveaux contenus qui circulent, qui sont disponibles en ligne à tout le monde. C'est une série de thèmes à aborder en fonction de l'âge. Donc, par exemple, ça se décline comme, au primaire, on va parler apprendre les parties de son corps, puis apprendre que ton corps, c'est ton corps, puis ce n'est pas le tien, pour aller avec la chanson fameuse de toune. La fameuse toune. Quand est-ce que le remix y sort, là? Puis au secondaire, c'est juste au secondaire qu'on commence à parler d'orientation sexuelle, d'identité de genre, etc. Ce qui, déjà, en soi, est un problème. Oui, oui, oui. Surtout que, comme très tôt, ils montrent que, genre, fille, vulve, garçon, pénis, pis t'es comme, mais là, c'est parce que là, si tu veux pouvoir, comme, parler de cis-sexisme rendu au secondaire, là, on a un problème, là, parce qu'il faut défaire ce qu'on a appris. C'est intéressant ce que tu dis, parce que le programme, il fait ça, puis en même temps, il fait pas ça. Non, c'est-à-dire que, comparé aux moutures précédentes qu'on a eues, il y a certains moments du programme où tu te dis, t'as, c'est prometteur. Par exemple, on va parler de reproduction, on va pas dire l'homme pénètre la femme et va éjaculer. On n'est pas dans l'homme et la femme, on est dans spermatozoïdes et ovules. Donc, on est au niveau beaucoup plus bas, on ne sexualise pas les corps. Ouais. Ce qui est intéressant comme approche. C'est vrai. Par contre, quand tu arrives à la puberté, les apprentissages liés à la puberté, un peu plus tard, là, on est vraiment dans la fille, les seins vont pousser, le garçon, la barbe va pousser, etc. Donc, dans une approche qui est beaucoup plus binaire puis qui est plus problématique parce que ça crée les balises de notre manière de concevoir les sexes comme étant nécessairement complètement différents puis complémentaires, etc. Donc, les balises de cette hétérosexualité nécessaire qu'on nous présente constamment. Ouais. Donc, ça c'est comme le programme avait des bonnes intentions, on ne savait pas trop sur quel pied danser. Puis je pense que ça relève du fait qu'il y a beaucoup de lobbies autour des cours d'éducation de la sexualité. Oui. Il y a beaucoup de gens qui disent « on devrait aborder ça, on devrait aborder ça ». Fait qu'on, l'impression qu'on a en lisant le programme, c'est qu'on veut faire des compromis, puis en faisant des compromis, on ne fait rien de bien. Oui, oui, oui. Puis aussi, il faut le dire, c'est un programme à coût nul aussi. T'sais, c'est-à-dire qu'ils font juste envoyer ces programmes-là, puis ils leur disent « arrangez-vous ». Il n'y a personne, il n'y a pas... C'est-à-dire que là, ils ont sorti un montant, je pense que c'était quelque chose de ridicule, genre 1 000 $ par école. Genre, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'était de 1 000 à 4 000. Quelque chose de comme vraiment pas faramineux pour l'éducation sexuelle. Puis t'es juste comme, OK, fait que là, à coup de 5-15 minutes, puis avec une coupe de 1 000 $, on est supposé faire quelque chose dans les écoles. Alors que, tu sais, comme, les associations de profs sont sorties pour dire que, comme, tu sais, clairement, ça leur tente pas, of course, parce qu'ils sont déjà overloadés. Puis ils se sont pas fait annoncer ça comme si peu de temps avant la rentrée. C'était même pas un an avant la rentrée. Mais ils n'ont pas été partie prenante du processus, donc consultation. Mais aussi, comme en termes de soutien et de formation, ils leur offrent rien. Je veux dire, tu peux pas considérer. Je trouve qu'il y a comme un truc où ils tiennent pour acquis que parce qu'ils sont des adultes sexués, ben ils sont à l'aise de parler de sexualité puis ils peuvent en parler. Puis comme c'est une expertise. Là, mais, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, là, c'est que personne n'est neutre sur le plan de la sexualité. Tout le monde a son vécu, ses freins, ses appréhensions, ses peurs, etc., etc. Puis le fait qu'on ne fonde pas, on empêche les gens d'être réflexifs par rapport à c'est quoi justement, qui ils sont en tant qu'être sexué, être genré, etc. Donc, ce qu'on demande à nos adultes en milieu scolaire, c'est pas facile par ailleurs, mais ce qu'on leur demande, c'est garde, t'as pas tout réglé tes affaires, tu sais pas tout non plus sur les sujets que tu vas enseigner, mais là, du coup, pitch-toi devant une classe, tu sais. Puis même pour les adolescents, adolescentes ou même aux primaires, tu sais, le deuxième Q dans LGBTQIA2, c'est questionnement et. En tout cas, je pense que s'il y a une époque où le questionnement est vraiment plus intense qu'à d'autres époques, c'est justement au secondaire. Et je pense que ce manque d'éducation-là, à un moment donné, pour des personnes qui sont en questionnement ou pour une éducation qui est pitchée par bribes, ça peut juste pas fonctionner. Là. On pousse les gens à juste réfléchir en fonction d'hétéronormativité parce qu'on parle même pas de la possibilité éventuelle, imaginaire, mais c'est de ça, se questionner. Mais pas juste là-dessus, sur plein de sujets, t'es juste comme... Parce que là, t'as la perspective, tu sais, je sais pas, là, ton prof de maths là, qui est genre dans cinquantaine, qui est genre en couple monogame depuis genre 25 ans, qui a jamais ouvert Snapchat de sa vie, parler de consentement puis de comment ça s'actualise en 2019, super compliqué. Oui. Mais c'est ça le truc aussi, c'est que je suis comme, ben tu peux pas juste... genre pitcher ça à du monde puis penser que ils ont nécessairement comme une idée de at large c'est quoi la réalité des jeunes puis de ce qu'il faudrait parler puis tu sais là on est juste sur quelque chose de simple comme le consentement mais genre en jeu queer c'est sûr qu'il y en a plein qui comprennent fuck all rien là tu sais ils en connaissent peut-être même pas une personne queer dans leur entourage là tu sais je pense que c'est important de dire que il faut pas blâmer les profs non c'est ça faut pas blâmer les profs c'est qu'ils ont le mauvais rôle actuellement c'est là. Ça ils ont fait pitcher ça puis là après là on est là puis on dit ça mais tu sais évidemment que c'est pas leur faute. Effectivement. Puis aussi, je pense qu'il y a un truc qui est... C'est ridicule d'attendre d'eux autres, alors qu'ils voient les jeunes au quotidien, d'être aussi cette personne-là qui va comme être une référence en termes de, genre, sexualité. Tu sais, c'est-à-dire que tu vois les élèves tous les jours. Ils vont pas se sentir à l'aise de poser des questions super intimes, même si tu fais une boîte de trucs anonymes, tu connais leur écriture. Tu sais, comme, je trouve qu'il y a plein de trucs là où on met les profs dans une position tellement délicate. Là. Absolument. Ouais. Est-ce que ce serait exagéré de dire que les programmes d'éducation sexuelle au Québec répondent plus aux besoins des parents qu'aux besoins des jeunes? Il me semble que c'est absolument le cas. Même pas exagéré, c'est absolument le cas. On va se dire les vraies affaires. Mais pas juste au Québec, mais de manière générale. Nos programmes d'éducation à la sexualité, ce qu'ils font actuellement, pas tous, il y a des exceptions, etc., etc., mais ce que ces programmes formels-là font, c'est qu'ils confortent une normalité. Sexuelle et de genre. Hein. Et cette normalité-là, c'est ce que la plupart des parents souhaitent pour leurs enfants. C'est-à-dire que je veux que mon enfant soit conforme sur le plan du genre, je veux que mon enfant soit hétéro, je veux qu'il se projette dans une situation familiale conventionnelle, je veux avoir des petits-enfants, etc. C'est mentionné dans le livre, là, ça va jusqu'au gender reveal party, ça va... ça part de loin vouloir normer, genrer, hétéronormer son enfant. Exactement. Donc, ce que l'éducation à la sexualité fait, c'est qu'elle conforte et réconforte les parents dans cette manière de concevoir ça. Si on avait véritablement une éducation à la sexualité qui visait à servir nos jeunes et à bien desservir nos jeunes, on aurait une éducation à la sexualité qui est inclusive, qui est positive, qui est anti-oppressive. Oui. Et c'est pas ce qu'on a en ce moment. On a beaucoup de travail à faire pour arriver à ça. Oui, puis il y a une citation que je vais vous lire au complet parce que j'ai trouvé ça tellement hot. Ça a rapport avec ce qu'on dit. L'éducation à la sexualité dont il convient de se doter n'est pas celle qui fera consensus auprès des adultes, mais celle qui amènera l'ensemble des jeunes à se connaître, s'explorer sur le plan identitaire, interagir avec les autres dans le respect et apprendre à vivre en société. Et paf! Bam! Hein? Hey, hein? Ça répond pas à la question « C'est-tu fait pour les adultes plus que pour les enfants? » La réponse est oui, mais encore là, je reviens un peu pour la question des parents parce que c'est souvent ce qui va arriver. Tu sais, j'en connais plein des parents qui sont super progressistes, qui sont plus queer ou qui ont une réflexion plus critique sur le genre. Puis c'est tout le temps la même chose. L'école est arrivée. J'ai donné le plus possible l'éducation que je pouvais à mon enfant de façon à ce que ce soit le moins genré possible, mais à un moment donné, tu arrives à l'école et tu n'es plus la seule personne qui influence l'enfant. Fait que c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, ça devient plus compliqué. Absolument. Oui, ça devient plus compliqué d'avoir... En fait, ce qu'on veut faire en tant que parent, quand on est critique de ces normes-là, etc., c'est qu'on veut instaurer, on veut amener notre enfant à avoir une réflexion qui est critique oui. les normes dominantes. Hein. C'est un peu ça l'éducation anti-oppressive, ah ouais. qu'on oui. peut faire à la maison par ailleurs, pas juste à l'école. Effectivement. Donc effectivement, ce qu'on peut faire après, dans la mesure où l'école offre pas cette éducation anti-oppressive-là, ce qu'on souhaite dans un modèle... Idéal, évidemment, mais c'est que la famille peut être en dialogue avec l'école. Mm-hmm. Dire, regarde, l'école t'enseigne ça, mais as-tu pensé à telle affaire? L'école te dit tel truc, mais as-tu pensé à tel autre truc? Donc, on peut toujours être en dialogue avec les contenus scolaires, mais ça demande évidemment beaucoup de temps, beaucoup d'éducation, etc. Oui, etc. Tu veux pas non plus te retrouver à la rencontre parents-enseignants, que l'enseignant dise, parce que là, il m'ostine sur absolument tout ce que je dis. Oui, ça t'es comme bien... Tu veux quand même que ton enfant puisse, malheureusement, intégrer un peu la norme pour pas... Surtout, en tout cas, au primaire, c'est sûr que des fois, les enfants sont cruels, mais au secondaire, c'est souvent là qu'on va voir le bullying le plus concret, le plus violent. Mmh. Fait que c'est sûr que des fois, il y a un réflexe probablement de protection, même... Et moi, je me rappelle quand j'ai fait mon coming out, ma mère, elle me disait pas « je veux pas que tu sois gay, non. » C'était plus « je m'inquiète que tu vives de l'homophobie, ces choses-là », mais elle était là pour me supporter. Ouais, ouais. Mais c'était ça, son inquiétude, plus que j'aurais pas de petits-enfants. Hein, ouais. Mal lignée et terminée. Non, la dynastie s'arrête maintenant, qui régnera sur le royaume. Ouais, bon, c'est ça. Donc, sur cette dynastie qui n'aura pas lieu, hein, le monde m'en remercie. Nous autres, on s'en va dans les bureaux de la haute direction de la CSDM pour vandaliser une distributrice à café et partir avec tous les frappuccinos vanille en bouteille. Et on vous revient vraiment trop caféinés. Fait qu'on a causé la panique dans les bureaux de la CSDM, mais pas autant que quand ils ont autorisé les parents de même sexe à être inscrits tous les deux sur les documents de leurs enfants. Fait que, toujours sur le thème du beau progrès, on se demandait, on jase là. On jase. Ça ressemblerait à quoi, mettons, là, une éducation sexuelle inclusive puis anti-oppressive? Une éducation à la sexualité inclusive, c'est déjà une éducation à la sexualité où tout le monde peut voir sa réalité reflétée dans les contenus scolaires. Hein? Donc, par exemple, ce que ça veut dire, c'est qu'on va parler de la diversité des corps. Ouais. On parle des corps gros, des corps intersexes, des corps âgés, etc. Mm-hmm. Donc, il y a différentes représentations sur le plan physique, disons. Mm-hmm. On va parler de la diversité de manière de s'identifier, hein, sur le plan du genre, de l'orientation sexuelle. On peut être queer, on peut être pan, on peut être non-binaire, etc. Donc, qu'est-ce qui s'offre à nous en termes de possibilités? Hein? Oui. Les différentes manières d'être en couple. Hein, c'est pas vrai qu'on est nécessairement dans un couple hétéro, monogame, qui vise le fait d'avoir des enfants, etc., etc. Mais ça, un petit moment de venting, là, dans le système actuel, il y a vraiment un truc où c'est comme, ils parlent de ta première relation, puis que c'est nécessairement là que tu vas avoir ta première fois, puis de la mise en couple dans un truc comme tellement standardisé que je suis comme, OK, all right. Genre. Oui, absolument. Ce qui correspond pas du tout aux multiples manières dont les gens vivent leur sexualité à l'âge plus vieux, adolescence, âge adulte, etc. Non, c'est ça. Bon. Les différentes manières dont on peut être en famille. Donc, les familles lesbo-parentales, transparentales, homoparentales, les familles reconstituées, les familles adoptives, etc., etc. Donc, c'est pas des choses qui sont beaucoup représentées et certaines ne sont jamais représentées dans les contenus scolaires. Effectivement. Donc, effectivement, comment un jeune peut se penser quand il n'y a pas toutes les cartes dans son jeu pour se penser, finalement? On n'a pas tous les outils à notre disposition pour être en mesure de se concevoir en tant que plus vieux, finalement. Oui, oui, parce que la violence symbolique, c'est aussi ce qu'on ne dit pas. Ah oui, ceux qui sont les oubliés de la gang, ils le savent. Oui, oui, oui, quand Freud disait « ce qu'on peut pas nommer n'existe pas », si tu te fais pas dire... si t'as jamais entendu le mot pansexuel, t'as jamais entendu le mot trans, t'as jamais entendu le mot lesbien, gay, souvent... Ou si les seules fois où tu l'as entendu, c'est de manière négative. Ben c'est ça. Effectivement. Ouais. T'iras pas ben loin, fait que... Ça, c'est pour le côté de l'inclusivité. Côté anti-oppressif, à quoi on pourrait s'attendre? Côté anti-oppressif, c'est un peu plus difficile à expliquer pour les gens qui ne sont pas familiers avec ça, mais c'est simplement l'idée de questionner les normes qui sont présentées comme dominantes. Ouais. Par exemple, on présente constamment l'hétérosexualité comme étant dominante. Ouais. Et on se dit, PS, vous pouvez aussi être gay, mettons. C'est à peu près le discours qu'on tient en milieu scolaire. L'éducation anti-oppressive va questionner ça et va dire... va regarder la norme d'hétérosexualité, va dire pourquoi on conçoit l'hétérosexualité comme étant la bonne manière d'être. Ouais. Donc, va questionner cette norme-là. Ouais. Puis ça peut être simplement en posant des questions, par exemple, en retournant des questions, ce qu'on appelle faire de l'inversion. Ouais. Hein, c'est-à-dire que en tant que personne non hétérosexuelle, on se fait souvent demander, par exemple, moi, « Oh, mais t'as pas rencontré le bon gars, c'est pour ça que t'es lesbienne. » On se fait souvent dire des trucs comme ça. C'est un grand classique. Mais comment ça se fait qu'un hétéro se fait pas dire, t'as pas, mettons, une fille hétéro se fait pas dire « T'as pas rencontré la bonne fille, c'est pour ça que t'es hétéro. » Donc, de questionner. Moi, je dis ça au gars, par exemple. Tu vois, tu fais de l'éducation anti-oppressive. Ben oui, t'as pas couché avec moi, c'est pour ça que t'es encore hétéro. C'est ça. Ça marche pas partout comme pick-up line, by the way, la gang. N'essayez pas ça. Puis arrêtez d'érotiser les straights aussi. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. Fait que c'est juste une manière de regarder, une manière de présenter les contenus scolaires. Ouais. Arrêter de prendre et de reconduire des normes de façon aveugle, mais bien les questionner constamment, puis être dans un exercice de réflexivité par rapport à ces normes-là. Oui. Mmh. Oui, définitivement. Puis, qu'est-ce qu'on espérait ou qu'est-ce qu'on cherche ultimement comme impact dans un tel système d'éducation où on serait un peu plus anti-oppressif, un peu plus inclusive? À mon sens, il y a deux trucs. On cherche, d'une part, à ce que tous nos jeunes puissent se sentir compris et se sentir à leur place à l'école, ouais. Et sentir qu'il y a place pour leurs questionnements et peu importe où ces questionnements-là les mènent, d'une part. Puis je pense que sur le plan anti-oppressif, ce que ça présente, c'est que ça va déconstruire certaines tensions autour des rapports de pouvoir. Ce qui fait que, ultimement, une éducation anti-oppressive qui est bien mise en place est garante d'un milieu scolaire où il y a beaucoup moins de violence. Et ça, je pense qu'on ne se le représente pas beaucoup. Non, clairement. Puis, tu sais, aussi, juste comme ultimement, je trouve que le but des programmes d'éducation sexuelle, c'est jamais aussi de juste comme que les jeunes puissent avoir du fun, puis comme juste normaliser la sexualité comme un aspect de la vie comme les autres, puis enlever cette pression puis cette anxiété-là aussi. Non, parce que au-delà de l'hétéronormativité qui est véhiculée dans les cours d'éducation sexuelle, c'est aussi un cours d'éducation sexuelle qui est beaucoup basé sur le modèle de prévention. Faites attention à ne pas attraper des IDSS. Oui, c'est ça. Faites attention aux grossesses non volontaires. Faites attention à ci. Faites attention à ça. Faites pas ci. C'est beaucoup axé dans les conséquences possibles de sexualité puis dans cette panique morale générale qui entoure la sexualité adolescente que vraiment, on perd le sens de éduquer au plaisir, éduquer au consentement, oui. etc. Puis tu sais, la conséquence la plus probable, c'est le plaisir. Genre, oui. C'est ça qu'on oublie, en Surtout fait. Surtout si ça commence dès le jeune âge. Mais ça, faut comprendre que pourquoi ce discours-là, c'est le discours qui est prévalent à l'école? Quand on se donne 15 heures par année, c'est rien, là. Non, qu'est-ce qu'on fait rien. En 15 heures par année? On pallie au plus pressant. C'est quoi le plus pressant? On se dit, la majorité de mes élèves vont probablement être hétéros, puis vont probablement être dans des relations de type qui peuvent les mener à une grossesse non désirée. Donc, on va parler de ça, on va prévenir ce qui nous paraît exactement. Le plus pressant. Mais tu sais, du monde qui n'ont pas de formation en ITSS, qui parle d'ITSS, là. Mais c'est ça, ça devient dramatique, puis vraiment grave, vraiment rapidement. Oui. Alors que, tu sais, on pourrait leur dire que comme 4 pilules, une shot, puis ah ouais, tu l'as pété avec la média, c'est bien c'est correct, ça, aller les entendre, la gonorrhée, c'est la peste bubonique, là. Non, c'est ça, là. On se calme, là, tout le monde. Tout va bien, là. Oui. Puis la plupart de ces gens-là vont même pas comprendre que du sexe sans condom, ça veut pas dire non protégé. Ils vont pas parler de PrEP, ils vont pas parler de... Oui, non, attends, mais le truc en éducation sexuelle d'être des condom pusher, là, maintenant, là, tu sais, puis surtout comme que c'est des adultes qui se protègent probablement plus depuis super longtemps s'ils sont en couple monogame. On pourra jamais savoir s'ils le faisaient back in the days. Puis tu sais, comme, mais qui sont dans un truc de les stresser à mettre des condoms. C'est-à-dire que, fine, il faut laisser savoir c'est quoi les options, puis aussi que le condom est la méthode la plus efficace. En même temps, d'embarquer dans des logiques de shaming, puis de comme... Je trouve que des fois, ça va loin. De panique morale, on a dit le mot, là, c'est beaucoup ça. Mais en même temps, autant la tapette en moi qui est full comme pro-prep, puis pro-genre nouvelle... nouvelle manière de comme penser la prévention en se faisant tester en comme tu sais autant je trouve que c'est nice autant c'est vrai que je trouve que je veux pas valider les gars straight qui veulent pas mettre de condom juste pour leur confort aux autres parce qu'ils aiment effectivement pas ça. parce que c'est vrai qu'il y a des rapports inégalitaires de pouvoir oui. Puis que si on était dans un contexte d'éducation sexuelle anti-oppressive où genre on empowerait tout le monde ben là on pourrait prendre ces décisions là de manière plus éclairée puis que il y a quand même des rapports de pouvoir sauf en cas de masturbation c'est un choix qui se fait à plusieurs c'est ça. Encore là il y a la masturbation qui se fait à plusieurs là regardez la gang. Gardez la gang, là. Si vous connaissez un petit peu là-dedans, Gabriel, je sais pas si tu te connais un peu là-dedans. Mettons. L'éducation sexuelle, peut-être t'en as entendu parler. Si vous connaissez un peu, surtout dans ce qui se passe en termes d'initiatives d'éducation sexuelle, est-ce que vous avez des initiatives favorites au Québec ou ailleurs? Vas-y en premier, vas-y. Ben non, moi, c'est sûr que je vais parler du Sense Project parce que c'est moi qui ai été le coordonnateur pendant trois ans. Faites ta plug, là, un petit moment. Ce qui était cool, en fait, c'est que c'était de l'éducation sexuelle par et pour des jeunes. Fait que dans le fond, moi, ma job, c'était de trainer une vingtaine de bénévoles pour qu'eux y aillent dans des écoles secondaires donner des ateliers d'éducation sexuelle anti-oppressive. Puis tu vois que ça change aussi le ton et la dynamique quand on voit des jeunes qui ont un langage plus similaire, qui sont plus proches en termes d'expérience, même si, tu sais, avec le fait que les jeunes grandissent avec de plus en plus d'outils technologiques, ça change aussi les interactions sociales. Oui. Puis ça fait qu'ils ont plus d'extension de leur vie sociale, en fait. Fait que ça complexifie les rapports, puis comme il y a quand même une distance, mais reste que c'était fort, en fait, comme manière de se lier aux jeunes. Puis ça faisait que, tu sais, on demandait la plupart du temps aux profs de quitter la classe, ce qui était des fois des problèmes. Des fois, on leur demandait juste de comme rester derrière puis de pas parler. Puis ça créait un climat où, ben, tu sais, le but premier aussi, c'était de dire que c'est correct de parler de sexualité, tu sais. Oui. Puis après ça, il y avait aussi dans le langage, bon, j'ai parlé de comment on disait pas la pénétration, mais bien comme on parlait de toutes les pénétrations qui pouvaient exister, mais il y a aussi le comme ta, ton ou tes partenaires, tu sais, de comme donner des options, parce qu'on on va tout le temps les projeter dans des relations monogames, puis hétérosexuelles aussi, puis aussi on fait pas d'association de corps avec des trucs, tu sais, mettons genre si t'as un pénis tu peux mettre un condom, ou si t'as un utérus tu peux te faire insérer un stérilet, mais tu sais ça sert à rien de dire les gars les filles, tu sais, puis y a personne qui va lever sa main en classe pour faire comme mais là pourquoi t'as dit juste, tu sais, comme les gens comprennent, c'est parce que un condom ça va sur un pénis, tu sais. C'est pas vu comme confrontant. C'est ça. Ouais. C'est juste que tu sais moi après ça quand je dis que je fais de l'éducation sexuelle genre féministe, queer et transpositive, les gens comme savent pas quoi s'imaginer alors que c'est aussi simple que ça. Puis on donnait comme tu sais on avait de 3 à 6 ateliers qu'on pouvait donner, tu sais, qui était pas plus qu'une heure, tu sais, c'est rien là, c'est un aperçu, tu sais. Mais déjà juste ça, ben ça peut faire une grosse différence. Ah oui, ça faisait quand même une différence là. Ouais. Non, c'était bien cute, c'était bien le fun. J'aimais ça. Gabrielle, quelque chose qui m'y a en tête? Oui, moi mon petit coup de cœur personnel va à un groupe étudiant que j'ai rencontré à Toulouse qui s'appelle Sensible. Pas Sensible, Sensible. Et c'est un groupe d'étudiants de lycée, donc l'équivalent de l'école secondaire un peu, fin secondaire. Et qui se sont dit eux-mêmes qu'il y avait du travail à faire auprès de leur père sur les questions de genre et de sexualité. Ils se sont mis en tête de former leur père, c'est-à-dire de se former entre pairs. Ouais. S'auto-former eux-mêmes sur les questions qui leur semblaient problématiques ou poser questions, etc. Puis après ça, d'aller devant une classe avec, non, en s'adressant à leurs collègues de classe et d'avoir des discussions one-on-one de jeune à jeune et de répondre aux questions et d'échanger autour de ces thématiques-là. Donc, puis ils ont aussi un compte Instagram où ils font beaucoup de démystification, etc. Wow. Fait que la dimension pair à pair, à mon sens, est très porteuse en termes de solutions aussi. Ouais. Très intéressant. C'est hella cute, mais tout ça, en plus, avec un accent toulousain, ça doit être adorable. Quand même. Hein? Craquable. Quand même. Hein? Moi, j'ai aucune expérience dans le domaine de l'éducation. Tout le monde comprend pourquoi. Toutefois, j'aimerais le dire parce que je ne l'ai pas plugué ailleurs dans l'émission. Pour moi, une bonne éducation sexuelle, c'est déjà de sortir ça de « c'est la job des parents ». Et uniquement. Mm-hmm. Pas parce que c'est pas la job des parents, au contraire. Au contraire, si les parents peuvent aussi amener une éducation sexuelle anti-oppressive et inclusive, tant mieux. Mais cette idée que ça doit rester à la maison renforce cette idée que la sexualité, c'est privé. Que c'est pas quelque chose dont on peut parler ouvertement. Que c'est vraiment quelque chose qui s'enseigne là sur le coin d'un lit, quasiment dans le stress et l'angoisse des parents qui sont comme, bon, les choux, les abeilles, quelle histoire je prends là. Mais non, c'est ça. Puis t'es juste comme... Qui, en tout cas, l'espèce de réflexion de « Ah ouais, imaginez si les enfants avaient plusieurs adultes de référence s'il y avait des questionnements. » Tu sais, je suis juste comme « Ben, il me semble que c'est positif. » C'est ça qu'on veut, oui. C'est ça, tu sais. Idéalement. Sur ces sages paroles, nous, on part dans les bureaux du English Montreal School Board. Des fois qu'il n'y aurait pas juste du Earl Grey. Puis, on va se faire un petit Max Wallace si on est capable. On vous revient dans 30 secondes pour conclure. Et c'était tout pour notre émission de cette semaine. On vous remercie d'avoir été à l'écoute et on remercie énormément Gabrielle d'être venue nous voir juste avant de repartir en France. Gabrielle, qu'est-ce qu'on plug? Mon livre « Hétéro, l'école, plaidoyer pour une éducation anti-oppressive à la sexualité » aux éditions du Remue-Ménage, dans toutes vos bonnes librairies. Et on vous invite à encourager vos libraires indépendants. Pas Amazon. Non. C'est pas une librairie indépendante, Amazon. Je l'ai appris cette semaine à mon grand émoi. Oui, je trouvais qu'il fournissait vite en estime. Mais... Oh my god, girl. Vous pouvez nous retrouver sur tous les médias sociaux qui ont de l'allure en tapant 2 fifs le matin, le chiffre 2, fif avec un X à la place du I parce qu'on va pas se faire shutdown par la police des mœurs. Puis le matin, tout en un mot. Oubliez pas de nous mettre 5 étoiles partout où vous écoutez des podcasts. Ça nous fait plaisir puis ça nous aide. Alors d'ici à la semaine prochaine, nous, on va se tenir autour des écoles secondaires en criant Be gay, do crimes. Et en attendant, on se revoit la semaine prochaine. Salut la gang. Hey, bye. Bye. Bye les moons.